Mes bien-aimés, vous l'avez vu comme moi encore cette année, la fête païenne d'Halloween a encore essayé d'envahir notre culture chrétienne. Et avec elle, c'est aussi tout le royaume de l'occultisme, le royaume de la laideur. Enfin, ça paraît assez clair, non ? Le royaume de la laideur qui tente de déployer son manteau sur notre monde et sur nos âmes. Alors ne nous y trompons pas, frères et sœurs, et ne cherchons pas à nier les évidences. Les déguisements de sorcières, de squelettes et d'autres monstres sortis d'outre-tombe ne viennent pas de l'Évangile. Cette nuit d'ailleurs, comme chaque année, et ceci est moins drôle, nous savons de sources sûres qu'ont été encore commis des records de sacrilèges, de messes noires et de rites sataniques un peu partout dans notre pays. Et ce n'est pas un hasard. Le but de tout ceci, c'est de plonger et de tenter de lier un maximum d'âmes à l'empire des ténèbres. Ne nous y trompons pas, ça n'est pas anodin. Ça n'est pas anodin. Ça n'est pas une petite fête, bon enfant, comme ça. On met des bonbons, attention. En passant, frères et sœurs, si vous aussi vous sentez comme moi en ce jour de solennité, si vous avez senti hier soir, ou dans la journée d'hier peut-être, comme un abattement mystérieux, une tristesse, une espèce de goût amer dans l'âme, eh bien, si tout ça est tenté d'appuyer sur votre âme, c'est probablement que vous vivez un combat spirituel qui vous dépasse complètement et qui n'est pas mauvais signe pour vous. La réponse de Dieu à tous ces assauts du démon, puisque c'est bien lui qui est derrière, sur les âmes, eh bien, elle consiste à nous inviter aujourd'hui à tourner tous ensemble nos regards et notre cœur vers le ciel. Tout le monde regarde sous la terre, là. Nous, c'est vers le ciel. Alors bien sûr, Dieu nous invite à faire ça tous les jours, à tout instant, mais en particulier en cette fête de la Toussaint, où nous pensons particulièrement à tous les hommes et toutes les femmes qui nous ont précédés ici-bas et qui, un jour, en fermant une dernière fois leurs paupières sur le monde, ont ouvert leurs yeux immédiatement sur la beauté, que dis-je, la splendeur indescriptible du paradis céleste. Et si nous sommes invités, nous aussi, à tourner nos regards vers le ciel, ce ciel qui est bien trop beau pour être visible, vous comprenez ? Ce n'est pas uniquement parce que les saints, et en particulier tous ceux de nos familles, y sont entrés définitivement, mais c'est aussi parce que eux, alors qu'ils étaient encore comme nous, enfermés dans les malheurs de la terre, cherchaient déjà, avec ardeur, il faut voir les saints, il faut les lire, cherchez avec ardeur, ardeur à voir et à connaître ce ciel mystérieux, merveilleux. C'est ainsi qu'ont vécu et que vivent tous les saints, c'est-à-dire tous ceux qui ont choisi résolument, au cours de leur vie sur la terre, d'emboîter les pas du Christ pour le suivre jusqu'au bout. Jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au ciel. Bien-aimés, si on devait résumer en trois mots l'attitude fondamentale du cœur chrétien, certains me diraient, et ils auraient tout à fait raison, diraient trois mots, suivre le Christ, n'est-ce pas ? Disciple du Christ, c'est ça les chrétiens. Mais on pourrait aussi dire, puisque c'est exactement la même chose, trois mots, aspirer au ciel. C'est exactement pareil. Suivre le Christ, désirer le Christ, disciple du Christ, c'est aspirer au ciel. Vous voyez comme c'est merveilleux d'être chrétien ? C'est bien ça, en fin de compte, suivre le Christ, être son disciple, c'est avoir sans cesse, dans le cœur et dans l'esprit, le désir du ciel. Mais pas qui parle encore du ciel aujourd'hui, frères et sœurs? Qui parle encore de ça? Même dans nos églises, parfois, on ne parle que de la terre. Et on parle de toutes ces misères, de ces malheurs, de ces catastrophes. Et on oublie de parler du bonheur céleste. Comment voulez-vous qu'il y ait de la joie dans les cœurs? Le monde entier a les yeux rivés sur les écrans, bien sûr. Mais qu'est-ce que nous disent les écrans? Eh bien, ils nous parlent des malheurs. Parce que c'est un fait, la vie est faite de malheurs. Oui, oui, elle est faite d'épreuves, de souffrances, les unes après les autres. Oui, c'est un fait. Il ne faut pas le nier. Alors bien sûr, il n'y a pas que ça. On trouve aussi quelques bonheurs, quelques petites joies ou grandes. Et c'est très important de savoir les reconnaître quand elles se présentent. Un beau lever de soleil, ce n'est pas le cas ce matin, mais bon. Ah si, peut-être, si. Je me trompe, il était merveilleux ce lever de soleil ce matin. Un amour qui commence, une amitié qui se manifeste, un beau morceau de musique qui nous émeut profondément, un livre qui nous soulève le cœur, une belle messe comme aujourd'hui qui va élever notre âme, la naissance d'un enfant, une grâce qu'on reçoit dans les prières, bref. Tout ça procure de vraies joies, des joies authentiques, mais il faut le reconnaître, elles ont toutes une fin. Elles passent un temps, parfois même elles durent un peu, mais bien vite, trop vite même toujours, elles doivent laisser la place à la grisaille de nos limites humaines, de nos incapacités à vivre en harmonie parfaite avec ceux qui nous entourent. Mais aussi, elles laissent la place aux malheurs, pour lesquels nous ne pouvons absolument rien. À commencer par le drame de la mort qui vient nous frapper, soit trop tôt et trop vite, soit trop tard et trop lentement. C'est jamais comme il faut. Frères et sœurs, aujourd'hui, si vous me permettez, nous ne parlerons pas de la mort. Ça, c'est pour demain, où nous commémorerons la mémoire des fidèles défunts. Aujourd'hui, nous n'aurons pas le cœur dans la grisaille, comme les nuages qui couvrent le ciel en ce moment. Aujourd'hui, nous jetons notre cœur de l'autre côté, là où nous irons tous un jour, du moins je l'espère, et où nous vivrons éternellement dans la joie de Dieu. Parce que nous voyons bien qu'il nous est impossible de vivre si nous gardons les yeux rivés sur la terre. Nous vivotons, mais la mort dans l'âme. On peut essayer d'être résolument optimiste, et c'est très bien, à condition de ne pas se mentir. L'optimisme, c'est une très belle disposition de l'âme. Et il peut même nous ouvrir le cœur aux réalités supérieures, aux réalités célestes, et c'est merveilleux. Mais il faut reconnaître que parfois l'optimisme, purement humain, ne suffit pas. Lorsque la mort approche à grands pas, et qu'on se dit sans cesse, ça ira mieux demain tu vas guérir, tu vas voir. Mais non, il n'y a pas de mort. C'est pas de l'optimisme, ça. C'est du déni. Ce qu'il faut ajouter à l'optimisme, c'est l'espérance. C'est-à-dire le désir du ciel. C'est ça, l'espérance. Or, cette espérance, eh bien, nous l'avons tous ici, au moins en germe. Si nous sommes dans cette église, nous l'avons, cette espérance. Nous avons tous en germe parce que nous avons tous au moins une petite idée, même microscopique, de l'amour de Dieu, de la puissance infinie de cet amour. Et dès lors que nous pressentons que Dieu est amour, qu'il est la source de tout amour, eh bien notre âme ne peut pas faire autrement que de désirer se rassasier un jour pour l'éternité de cet amour. Le ciel, bien-aimé, c'est Dieu lui-même. C'est-à-dire que c'est l'amour pur, c'est le bonheur à la source. Et avec lui, c'est la joie, mais la joie avec un grand J. La joie pure, la joie sainte. Tous les plus grands bonheurs terrestres, toutes les joies les plus intenses de notre vie, frères et sœurs, il faut que nous comprenions ça, ne sont qu'un minuscule aperçu, infiniment lointain, de ce qu'est le ciel en vérité. Pensez à une grande joie que vous avez vécue sur la terre, qui vous a soulevé le cœur. Vous étiez complètement dans l'euphorie. Eh bien ça, c'est un pouillème de quoi que ce soit de la joie du ciel. En réalité, nous ne pouvons pas nous représenter le ciel précisément. Puisque je sais que vous aimez les histoires, en voici une très intéressante. Une nuit de l'an 1866. Ce bon Don Bosco, que nous connaissons bien ici puisqu'il est passé pas loin, rêve du paradis. Il a l'impression de se trouver sur un promontoire, devant une plaine sans fin, bleutée comme une étendue de mer, semblable à un cristal limpide. Cette plaine est divisée en vastes jardins d'une beauté absolument indescriptible. Massifs, parterres de fleurs variées, alternent avec des bosquets luxuriants. Je passe les détails. Tandis qu'il admire toutes ces merveilles, le prêtre entend une voix, une douce musique, une harmonie d'instruments et de voix. La musique est un ravissement pour les oreilles de Don Bosco, mais aussi elle réjouit son cœur et son âme. Alors qu'il écoute avec délice l'hymne céleste, le prêtre voit arriver vers lui une multitude de jeunes gens guidés par Dominique Savio, son disciple qui était décédé 9 ans plus tôt. Ébloui par tout ce qu'il voit, Don Bosco demande à Dominique s'ils sont au paradis. « Non, répond Dominique, ici nous ne sommes que dans l'antichambre. » Aucun œil humain ne peut supporter la vision du paradis, cher Don Bosco. Et Dominique répond, le prêtre alors s'interroge, quelles sont les joies, dites-moi Dominique, quelles sont les joies présentes au paradis? Et Dominique répond, au paradis, cher Don Bosco, on jouit de Dieu, c'est tout. C'est impossible à décrire, c'est impossible à expliquer avec des mots humains, c'est impossible à concevoir par une intelligence humaine. Alors vous me direz, c'est beau mon père, merveilleux, ça donne quand même envie, non? Mais puisque ça nous est impossible de nous représenter le ciel, comment est-ce qu'on peut le désirer vraiment? Puisqu'on ne peut pas le décrire. Frères et sœurs, c'est tout simple. Vous savez, devant les grandes énigmes de la foi, il faut avoir un cœur très simple. Il faut prendre les choses telles qu'elles sont, et dire les choses simplement. Pour désirer vraiment le ciel, regardez, il faut simplement commencer par reconnaître l'évidence que je vous ai dit tout à l'heure. Nous en avons un besoin vital. Nous avons un besoin vital de désirer le ciel. Sans le désir du ciel, notre âme se laissera tôt ou tard gagner par le désespoir. Seul le désir du ciel peut nous arracher au désespoir et nous faire aimer la vie. Vous comprenez ? La vie du ciel, c'est juste le déploiement de la vie que nous avons sur la terre, avec ses bonheurs. Nous devons en être absolument convaincus. Le désir du ciel est une nécessité absolue pour notre âme. Une fois que nous avons reconnu cette évidence, c'est pas compliqué, puisque c'est évident, eh bien nous devons constater aussi que ce désir du ciel ne peut nous être communiqué par nous, mais seulement par Dieu. Il n'y a que Dieu qui puisse nous donner vraiment ce désir. Alors avant toute chose, nous devons simplement demander à Dieu de nous donner le désir du ciel. Nous devons le prier, nous devons le supplier, Seigneur, donnez-nous le désir du ciel. Donne-moi le désir du ciel, fais que mon âme désire. C'est toi qui peux me donner ce désir. Donne-nous-moi cette foi d'être rassasié de bonheur pour toujours, d'être inondé, rassasié de joie pour l'éternité. On peut lire des livres, essayer de comprendre, mais vous comprenez bien que ça vient du ciel, ce désir du ciel. Et enfin, une fois que nous avons demandé, eh bien, il nous faut nous disposer à recevoir ce désir. C'est-à-dire que là, c'est notre part à nous, voyez. Nous devons ouvrir les paraboles, pour accueillir le désir. Comment ça se passe? Eh bien, il faut tout simplement poser volontairement, librement, des petits actes, tout simples, des petits actes d'espérance tout au long de nos journées. Devant une épreuve qui nous travaille et qui cherche à nous plonger dans le désespoir et dans la tristesse, pensons à tous les habitants du ciel qui nous entourent, pensons aux anges, pensons à la Vierge Marie, pensons à Jésus bien sûr, pensons au sein de nos familles, à cette grand-mère que nous avons tant aimée, à cet époux qui est parti trop tôt, cette épouse que nous aimons encore, à ce petit enfant qui est mort trop jeune. Pensons à eux. Ils sont au ciel. Et imaginons leur sourire, imaginons leur regard, plein de la lumière de Dieu. Ils sont dans la joie, ils sont dans le bonheur éternel. Vous voyez, ça c'est contre-intuitif. On se dit, pour avoir la joie du ciel, il faut surtout éviter de penser aux morts. C'est le contraire. Pensons à eux, mais en tant qu'ils sont au ciel. Ne pensons pas à leur tombeau où leurs corps sont en train de croupir. Pensons à leur âme, où elle est, devant Dieu, dans la lumière divine. Jetons toute la journée comme des petites flèches d'amour vers le ciel, vers nos frères et sœurs que nous aimons, en pensant à nos défunts qui y sont pour de bon. C'est en tout cas ce que nous sommes invités à faire, particulièrement cette fête de la Toussaint. D'une manière toute spéciale aujourd'hui, les habitants du ciel s'approchent de nous. Ils nous regardent et ils nous bénissent avec le pouvoir qu'ils ont tout particulier, puisqu'ils sont dans la lumière de Dieu. Ils nous bénissent pour nous attirer. Laissons-nous attirer vers ce bonheur éternel. Frères et sœurs, ce bonheur, même si nous voudrions qu'il revienne sur la terre, eux, ils ne les changeraient pour rien au monde. Et c'est ça qu'ils veulent nous faire sentir. Aspirons au ciel, frères et sœurs, aujourd'hui. Pensons à nos défunts qui sont au ciel, et demain, nous penserons à ceux qui sont encore en chemin. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.